Le mercredi 24 août, ici Dominique Lelièvre et les informations. Depuis que Harper et sa triste et servile minorité ont pris le pouvoir, le Canada et conséquemment le Québec ont reculé sur tous les fronts. C'était la voix du cinéaste André Melançon, dont le décès a été confirmé au cours de la dernière heure. Il est décédé à l'âge de 74 ans de la leucémie. André Melançon, qui a certainement marqué toute une génération, son premier film, La guerre des Tuques, connaît un succès retentissant en 1984. On le savait malheureusement hospitalisé depuis plusieurs mois. Il aura en tout cas marqué l'histoire cinématographique de la province. Il avait notamment été fait officier de l'Ordre national du Québec en 2013. Il avait également reçu le prix Hommage à la 17e soirée des Jutras en 2015. Sur une note un peu plus heureuse désormais, parlons des Jeux olympiques. Nos athlètes canadiens qui rentrent les uns après les autres à la maison, ils reviennent la tête pleine de souvenirs, leur succès et leur déception également. À Québec, Catherine Savard et Hugues Fournel sont de retour, donc la première porte fièrement autour du cou la médaille de bronze qu'elle a remportée au relais 4x200 mètres. C'était une surprise pour l'athlète qui s'était plutôt préparé pour l'épreuve de papillon, la nageuse qui envisage une possible participation pour les prochains Jeux olympiques qui vont se dérouler à Tokyo. Et quant à Hugues Fournel, lui est fier d'avoir participé à la grande finale du K2 200 mètres malgré une 8e place. Il avait obtenu, on s'en souvient, son billet d'entrée aux Jeux très tard après le retrait d'une athlète russe. Eh bien, on peut les écouter, ces deux athlètes, au micro de Caroline Stephenson. La sélection en natation, c'est une compétition, c'est une journée, une course, tu gagnes ou tu gagnes pas. Donc, malheureusement, j'ai manqué la sélection au papillon. Et deux jours après cette sélection-là, j'avais une autre épreuve, j'ai quitté le libre. Donc, j'ai essayé de surmonter cette déception-là, cette peine-là, puis de tout donner pour le libre, puis de tenter de me qualifier, puis finalement, ça a fonctionné. Une 8e place qui est très savoureuse dans notre cas. C'était notre exploit à nous. C'est un peu notre médaille olympique à nous de faire la finale olympique. 8e, il y a 8 bateaux. 8 pays dans la finale, puis juste de faire la finale, nous on était très contents vu les circonstances. On s'est fait annoncer qu'on allait aux Jeux olympiques 3 semaines avant le départ de notre course. C'était Catherine Savard et Hugues Fournel, fraîchement revenus du Brésil, et cette entrevue complète qui sera diffusée demain entre 7h et 9h dans l'émission Les Matins éphémères. Terminons sur la scène internationale. En Italie, le bilan qui est passé à 73 morts après ce séisme de magnitude 6,2 survenu cette nuit dans les régions du centre du pays. Plusieurs centaines de personnes qui sont également portées et disparues, plus d'une centaine en tout cas. Et c'est un séisme qui rappelle de mauvais souvenirs, puisqu'en 2009, un autre tremblement de terre avait frappé cette même région. Ça avait fait à l'époque plus de 300 morts. Et voilà qui complète ce point sur l'actualité. Retrouvez-nous sur le ckrl.qc.ca ou sur les réseaux sociaux pour plus d'informations.